keep love. Pour les oiseaux qui de froid meurent, j'y crois. Qu'elle meurt de chagrin, la fleur quand elle perd son parfum. Cela n'existerait pas. La vie n'est-elle pas mieux comme ça? Que de cette vie on puisse en faire un paradis. Aujourd'hui, tu as fait entrer dans ma vie. J'y crois. Que tu m'attendras.